Stade.ch. Vous écoutez la première, voici tout de suite Histoire vivante. Très bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Cette semaine, retour sur la bombe. d'Enola Gay à Farm Hill, une histoire mortelle. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Il nous garde secrètement, nous n'avons aucun recours légal. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg, Gerlach, Hartig, Wirtz, Korsching, Bagge, Liebner. Max von Laue, prix Nobel de physique 1914. Otto Hahn, découvreur de la fission nucléaire, prix Nobel de chimie 1944. Werner Heisenberg, un des fondateurs de la mécanique quantique, prix Nobel de physique 1932. Walther Gerlach, physicien, spécialiste du comportement des particules. Paul Hartig, physicien. En avril 1939, il informe le ministère de la guerre qu'il est possible de créer un explosif entièrement nouveau à partir de l'énergie atomique. Kurt Dimmer, physicien, réussit une expérience avec plus de 600 litres d'eau lourde, prouvant son concept théorique de réacteur nucléaire. Carl Friedrich von Weizsäcker, physicien. En juillet 1940, il signe un rapport militaire sur les possibilités de production d'énergie à partir d'uranium raffiné. Karl Wirtz, physicien, rattaché au plan uranium. Erich Bagge, physicien. Il a travaillé auprès d'Heisenberg à Leipzig et de Frédéric Joliot-Curie à Paris, qui en 1939 est déposé par le CNRS un brevet couvrant l'invention de la bombe atomique. Horst Korsching, physicien atomiste. Ces 10 hommes, retenus enfermés par les Britanniques dans un cottage nommé Farm Hall, apprennent à la radio que les Américains ont largué leurs deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki. L'écoute de leur conversation se poursuit sous la surveillance du major Rittner. Hahn et Heisenberg ont tous les deux espéré que cette découverte serait, dans le long terme, utile à l'humanité. Heisenberg a poursuivi en spéculant sur l'usage que les Américains allaient faire de cette nouvelle découverte, et il s'est demandé s'ils allaient l'utiliser pour prendre le contrôle de la Russie ou bien s'ils attendraient que Staline la copie. Heisenberg a poursuivi en se plaignant amèrement de ce que Goudsmit, le chef de l'opération Alsos, qui a permis de mettre la main sur eux, leur avait très intelligemment menti. Il pense qu'il aurait au moins pu leur dire que leurs expériences en Amérique étaient plus avancées que les leurs. Ils ont été d'accord pour dire que le secret avait été très bien gardé. Hahn a remarqué qu'il n'y avait eu aucune publication sur la fission dans des revues scientifiques britanniques ou américaines depuis janvier 1940, mais il pensait qu'il y en avait eu une en Russie sur la fission spontanée de l'uranium avec du deutérium. Heisenberg a répété ses arguments en disant qu'il s'était consacré uniquement au moteur à uranium, qu'il n'avait jamais essayé de faire une bombe et qu'il n'avait rien fait sur la séparation isotopique parce qu'il n'avait pas obtenu les fonds nécessaires. Il a répété l'histoire de la menace d'un bombardement atomique sur Dresde et dit qu'il avait été interrogé par quelqu'un du ministère des Affaires étrangères au sujet de cette éventualité. La conversation s'est terminée sur ces mots. Peut-être n'ont-ils rien fait d'autre que produire du 235 et fabriquer une bombe avec. Dans ce cas, il doit y avoir plein de sujets scientifiques intéressants à étudier. Oui, mais ils doivent empêcher les Russes de la faire. J'aimerais bien savoir ce que Staline pense ce soir. Bien sûr, ils ont des hommes comme Landau, et ces gens-là peuvent aussi la faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre que la fission à savoir. La vraie difficulté, c'est de séparer les isotopes. Non. De ce point de vue, les Américains, et en fait tous les Anglo-Saxons, leur sont infiniment supérieurs. J'ai le sentiment que la guerre avec le Japon va prendre fin dans les jours qui viennent. Ensuite, on sera sans doute renvoyé chez nous assez rapidement, et tout sera beaucoup plus facile qu'avant. Qui sait ? C'est peut-être une bénédiction, après tout. Les invités ont décidé ensemble qu'ils ne devaient pas afficher leurs préoccupations. Ils ont donc insisté pour jouer aux cartes jusqu'à minuit passé, comme d'habitude. Von Weizsäcker, Wirtz, Hartek et Bagge sont restés après que les autres soient allés se coucher. La conversation suivante a eu lieu. Il faut leur tirer un coup de chapeau pour le courage qu'ils ont eu de risquer tous ces millions. On aurait certainement réussi si les plus hautes autorités avaient dit « Nous sommes prêts à tout sacrifier ». Dans notre cas, même les scientifiques ont dit que c'était irréalisable. Ce n'est pas vrai. Vous y étiez à cette conférence de Berlin, le 8 septembre, je crois. On avait posé la question à chacun. Geiger, Bothe et vous, Hartek. Vous y étiez aussi. Et tout le monde avait dit qu'il fallait la faire immédiatement. Quelqu'un a dit « Bien sûr, la question de savoir s'il faut faire une chose comme ça reste ouverte ». Après quoi, Bothe s'était levé et avait dit « Messieurs, il faut la faire ». Puis Geiger s'est levé et a dit « S'il y a la moindre chance qu'on puisse la faire, alors il faut la faire ». C'était le 8 septembre 1939. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire ça. 50% des gens étaient contre. Tous les scientifiques qui n'y comprenaient rien ont tous été contre. De ceux qui comprenaient, un tiers étaient contre. Comme 90% n'y comprenaient rien, 90% ont été contre. Nous savions que c'était faisable, en principe. Mais par ailleurs, on a bien compris que c'était une chose épouvantablement dangereuse. Si les Allemands avaient dépensé 10 milliards de marks sans que ça marche, tous les physiciens auraient eu la tête tranchée. En Allemagne, très peu de monde y croyait. Et même ceux qui pensaient que c'était réalisable ne travaillaient pas là-dessus. Par exemple, quand on a commencé avec cette histoire d'eau lourde, la méthode Clusius semblait trop chère. Clusius, c'est le physicien allemand qui, en 1938, invente la séparation des isotopes. Mais j'ai dit qu'il fallait utiliser plusieurs méthodes en même temps et que nous devrions avoir une usine fonctionnant sur le principe de Clusius, produisant 200 à 300 litres par an. C'est-à-dire une petite usine, puis une usine chaud-froid. J'ai l'impression qu'on n'aurait jamais pu faire la bombe, mais on aurait certainement fait marcher le réacteur. En fait, Korsching a raison quand il dit que la coopération n'était pas très bonne au sein du groupe nucléaire. Contrairement à ce que dit Gerlach. En réalité, Gerlach a travaillé contre nous. Dibner et lui ont toujours travaillé contre nous. À la fin, ils ont même essayé de nous écarter du réacteur. Si un tribunal allemand devait enquêter pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné en Allemagne, ce serait très, très dangereux. Si on avait démarré comme il fallait en 1939, et si on s'y était tous mis, tout se serait bien passé. Oui, et on aurait été tués par les services secrets britanniques. Je suis content que ça ne se soit pas passé comme ça. Autrement, on serait tous morts. Si l'Allemagne avait disposé d'une arme lui permettant de gagner la guerre, alors, l'Allemagne aurait eu raison et les autres tort. Est-ce que les conditions auraient été meilleures en Allemagne après la victoire de Hitler ? Je ne crois pas. En outre, les beaux jours des petits pays sont finis. Supposons que Hitler ait réussi à former son Europe et qu'il n'y ait pas eu d'uranium en Europe. Si nous avions vraiment décidé de faire un moteur à uranium, nous n'aurions pas eu la bombe à l'été 1944. Et si la chose avait été bien prise en main par la propagande ? Ça aurait pu faire une base de négociation. Ça aurait été une base de négociation pour n'importe quel gouvernement, sauf pour Hitler. J'ai marché vers la débâcle en gardant les yeux ouverts. Je voulais essayer de sauver la physique allemande et les scientifiques allemands. Et là, j'ai réussi. Et peut-être la physique allemande pourra-t-elle collaborer à l'intérieur d'un grand ensemble occidental ? Maintenant que tout a été rendu public, je suppose qu'ils vont nous dire, dans un avenir relativement proche, quel va être notre sort. Je ne vois pas de raison de nous garder prisonniers ici. Il y a peut-être des détails pour lesquels on pourrait être utile. Ils ont l'air d'avoir très peu travaillé du côté de l'eau lourde. La seule chose à faire maintenant serait de dire « Nous allons rassembler tous les gens liés au nucléaire, Chadwick, Fermi, etc. et les laisser discuter entre eux. » Je ne serais pas étonné si nous rencontrions bientôt certaines de ces personnes. Et peut-être cela donnera-t-il quelque chose. Il me semble que la chose la plus raisonnable que nous ayons à faire est de collaborer avec les Anglo-Saxons. On peut le faire avec la conscience tranquille maintenant, parce qu'on voit bien qu'ils vont probablement dominer l'Europe. J'aimerais vraiment savoir comment ils ont fait. J'ai l'impression que la situation politique de Staline est complètement changée maintenant. Oui, je l'espère. Staline ne l'a certainement pas encore. Si les Américains et les Anglais étaient de bons impérialistes, ils s'en serviraient pour attaquer Staline dès demain. Mais ils ne vont pas le faire. Ils vont s'en servir comme arme politique. Bien sûr, c'est bien. Mais la paix qui en résultera ne durera que jusqu'à ce que les Russes l'aient. Et alors, il y aura certainement la guerre. Je suis convaincu qu'il va nous arriver quelque chose. Dans les prochains jours ou semaines. J'imagine qu'ils ne nous considèrent plus comme de dangereux ennemis. Oui, ce qui fait notre force maintenant, c'est que nous sommes des non-nazis. Mes craintes les plus terribles se sont réalisées. Notre situation va se compliquer maintenant. Je crois que nous sommes beaucoup plus liés aux Anglo-Saxons maintenant. Parce que nous n'avons plus la possibilité de passer chez les Russes, même si nous le voulions. Ils ne nous laisseront pas. Mais, d'un autre côté, on peut le faire la conscience tranquille. Parce qu'on voit bien que dans un avenir immédiat, l'Allemagne sera sous l'influence anglo-saxonne. C'est de l'opportunisme. Mais il est très difficile pour le moment de penser autrement. Parce qu'on ne sait pas ce qui vaut le mieux. Si je devais me demander pour quel camp il vaut mieux travailler, je dirais aucun des deux, bien entendu. Dibner et Bagge ont aussi discuté seul à seul de la situation. À ton avis, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? Ils ne vont pas nous laisser repartir en Allemagne. Autrement, les Russes vont nous embarquer. C'est assez évident ce qu'ils ont fait. Ils ont simplement un autre système que le nôtre. Si un homme comme Gerlach était arrivé plus tôt, ça ne se serait pas passé comme ça. Gerlach n'est pas responsable. Il a pris les choses en main trop tard. D'un autre côté, il est assez évident que Heisenberg n'était pas l'homme qu'il fallait. Ce qui est tragique, c'est que les remarques que Görsching a faites à Gerlach sont justes. Quand Weizsäcker dit qu'il ne voulait pas que ça réussisse, c'est absurde. C'est peut-être vrai pour lui, mais pas pour nous tous. Weizsäcker n'était pas le type qu'il fallait. Maintenant, les autres vont essayer de se rattraper et de se vendre au commandant. Bien entendu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous maintenant. Ils n'ont aucun besoin de nous. Rapport du major Hittner, Farm Hall, 6 juin 1945. Bien que les invités se soient mis au lit vers 1h30, il semble que la plupart aient passé une nuit assez agitée, si on en juge par les sanglots et les cris qu'on a pu entendre de temps à autre pendant la nuit. Sir Charles Frank, physicien britannique, il a rendu visite au groupe de Farm Hall au mois de novembre 1945, un mois avant leur libération. L'estimation qui avait été faite, à savoir que personne pendant la durée de la guerre ne parviendrait à fabriquer une bombe atomique, se révéla correcte s'agissant de l'Allemagne seule. Quand la première bombe atomique américaine fut testée, le 16 juillet 1945, l'Allemagne n'était plus en guerre. Assurément, les Allemands auraient avancé plus vite dans leur recherche sur l'énergie atomique s'ils avaient pu rassembler et faire travailler ensemble tous leurs meilleurs chercheurs. Il est presque sûr, en revanche, qu'ils n'auraient pas pu réaliser la bombe atomique pendant la guerre, même s'ils avaient essayé, et même s'ils n'avaient pas gaspillé leur énergie sur le projet V2. Même les Américains, qui avaient une avance industrielle et scientifique notable et bénéficiaient d'une aide importante de la part des savants anglais et d'ex-allemands installés en Angleterre, n'ont pu réaliser la bombe avant la fin des hostilités, armistice le 8 mai 1945, et premier essai atomique Trinity, le 6 juillet 1945. On doit se demander pourquoi Heisenberg, ou toute autre personne en Allemagne, ne s'est pas posé plus sérieusement la question de la faisabilité de la bombe avant Hiroshima. Il est possible que Heisenberg se soit dit que ce problème ne méritait pas qu'on y consacrât un calcul précis tant que les paramètres nucléaires ne seraient pas connus avec précision. Tous les scientifiques étaient tellement soulagés par la conclusion qu'il ne serait pas possible de construire la bombe pendant la durée de la guerre conclusion qui leur évitait des décisions douloureuses, qu'ils ne cherchèrent pas à la mettre en doute. Pour certains, contredire Heisenberg sur un problème de physique était pratiquement un crime de lèse-majesté. Après avoir renoncé à travailler pour la bombe, pour quelque raison que ce fût, on éprouvait encore le besoin de se justifier en invoquant la morale. Extrait des Savants d'Hitler de John Cornwell. Le destin des scientifiques d'Hitler après la guerre. Malgré les cinglantes critiques de Lise Meitner, les scientifiques d'Hitler ne manifesteront guère de remords, tandis que la science, en Allemagne de l'Ouest, s'accommodera après-guerre de la situation nouvelle d'une nation divisée. Selon le professeur Mark Walker, enseignant à Cambridge, auteur d'une étude sur la question du nucléaire pendant la période du national-socialisme, depuis la fin de la guerre, la direction de la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, puis de la société Max Planck, qui lui succéda, a, je cite, « systématiquement ignoré, minimisé ou déformé la nature de sa collaboration lourde de conséquences avec le nazisme. La société et ses instituts deviendront même un objet de dispute entre les vainqueurs. Les soviétiques essaieront de mettre l'institut au service de l'Allemagne de l'Est, ils en confieront la responsabilité à un communiste, les Français de leur côté essaieront d'en rapporter en France des éléments précieux, les Américains se montreront désireux de donner à certains instituts la qualité d'entités indépendantes, quant aux Britanniques, en revanche, ils établiront leur siège à l'intérieur même de la zone d'occupation, tout en insistant pour en changer le nom. En 1948, la société abandonne d'ailleurs le nom du Kaiser Institute pour celui de Max Planck. Otto Hahn, qui en est devenu le premier président après la guerre, bataille pour conserver l'ancien nom. Il menace même de donner sa démission et de rallier les soviétiques avec armes et bagages, puis finit par capituler. John Cornwell poursuit. Dans son effort pour sembler réhabilité et à bonne distance des nazis, la société scientifique rompt ses liens avec l'industrie allemande, se proclame exclusivement vouée à la recherche fondamentale. Le nouvel État fédéral en assure entièrement le financement. En 1946, Otto Hahn prend la direction de la société scientifique. C'est le rôle le plus éminent que peut tenir alors un scientifique en Allemagne. Et il reçoit le prix Nobel à Stockholm pour sa découverte de la fission. Dans les années 50, Otto Hahn s'impose comme le principal porte-parole allemand en matière d'éthique et de politique de la science. Il écrit un article sur l'exploitation de l'énergie nucléaire. Puis il se retrouve au centre d'une controverse internationale quand lui-même et 17 de ses collègues reprochent au gouvernement du chancelier Adenauer de coopérer avec l'OTAN dans un projet de stockage d'armes nucléaires sur le sol ouest allemand. Le groupe souligne les dangers des armes nucléaires tactiques, faisant valoir que si elles devaient être employées contre des pays du pacte de Varsovie, c'est l'Allemagne qui serait exposée de plein fouet aux retombées radioactives. Parmi les signataires du manifeste dénonciateur, d'anciens pensionnaires de Farm Hall. Dans les dernières années de sa vie, Hahn continue d'être le doyen de la science en Allemagne. Il s'éteint en juillet 68, couvert d'honneur, à Göttingen. Une année après sa libération de Farm Hall, Werner Heisenberg est nommé directeur du Kaiser Wilhelm Institut, institut de physique et d'astrophysique de Göttingen. Dans les 25 dernières années de sa vie, il meurt en 1971, il semble avoir rétabli sa réputation de membre de l'establishment scientifique au pays comme à l'étranger. Élu Fellow de la Royal Society de Londres, il reçoit quantité de prix, distinctions et doctorats honoris causa. Il sillonne le monde pour assister à des conférences scientifiques où il est, dans l'ensemble, plutôt bien accueilli. Quant à Carl Friedrich von Weizsäcker, il deviendra, lui, chef de la section théorique du Kaiser Wilhelm Institut d'Heisenberg à Göttingen, et ce dès 1946. 11 ans plus tard, il est nommé professeur de philosophie à l'université de Hambourg, puis à la tête de l'Institut Max Planck. En 1965, il accepte de témoigner et de revenir sur cette période. Il est au micro de Jean-Claude Bringuier. Qui était là avec vous ? C'était Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg, Gerlach, Hartig, Wirtz, Korsching, Bagge, Liebner. Nous étions 10. Vous pouvez compter. Quand vous avez appris l'existence, enfin la nouvelle de la bombe atomique sur Hiroshima, oui. Ça s'est passé comment ? Ce jour-là. Eh bien, c'était une longue journée. C'est difficile à raconter tout. Naturellement, la première réaction de notre petit groupe était la question si c'est vrai. Parce que on savait dans notre groupe que c'était probablement possible et que c'était très difficile. Et il y en avait quelques-uns dans notre groupe qui ne croyaient pas tout de suite que c'était vrai, qui croyaient que peut-être c'était une sorte de feinte, une sorte de... Mais je dirais pour moi que mon impression immédiatement était que c'était vrai, parce que je ne pouvais pas imaginer comment on pourrait feindre de telles choses. Et naturellement, la réaction était... une réaction, eh bien, je dirais, de terreur. On voyait immédiatement que la science, notre science, peut amener à des conséquences ainsi horribles que ça. On l'a su toujours, on le savait toujours, dès 1939, mais on n'était jamais tout à fait sûr. Il y a toujours une différence entre la possibilité et la réalité. Même entre l'expectance assez certaine et la réalité, c'est toujours autre chose. C'est autre chose de voir que quelqu'un qu'on aime va mourir et de le voir mort. Est-ce que pour vous la politique c'est le mal ? Non, je ne peux pas dire ça. J'étais surpris par Hitler, parce que j'avais toujours eu l'idée que Hitler était un fou, que Hitler ne pouvait jamais devenir important. Et ça, j'ai appris plus tard que Hitler vraiment était un homme qui avait de grandes forces, de grandes possibilités, que je n'avais pas vues. Mais qu'il y aurait quelque chose qui pourrait amener à une guerre, ça me semble assez plausible. Pour moi, quand j'étais jeune, le national-socialisme était une bêtise et rien d'autre. Mon père était diplomate et on connaissait la situation internationale, on connaissait la situation politique, on connaissait la situation des intellectuels et tout ça. Et j'avais à apprendre que ça, ce n'était pas correct, que c'était une grande force, que je n'avais pas vu parce que c'est une force qui est assez différente de ce qu'un intellectuel pense. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était insignifiant. Et plus tard... j'avais la grande difficulté à comprendre pourquoi c'était si forcible. Et j'admets qu'en 1933, 1934, j'étais influencé par ça. J'avais l'impression que, évidemment, là, il y avait un mouvement qui pouvait changer des conditions qui étaient des conditions assez mauvaises et pouvait les changer pour devenir meilleurs. Et vraiment, j'étais impressionné par les accomplissements du gouvernement de Hitler. Pas seulement le gouvernement, mais j'étais impressionné par le mouvement des gens plus primitifs que moi. Et je voyais qu'il y avait là une force que je n'avais pas vue. Si pour un homme de science, la politique, c'était le mal. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'un homme de science doit s'occuper des conséquences de ses découvertes ou de leurs applications? Je dirais que oui. Oui, sans doute. Je dirais que la politique n'est pas le mal, la politique est la réalité humaine. Et la science maintenant a commencé à transformer cette réalité. Et on ne peut pas transformer une réalité sans s'occuper de ce qu'on fait là. Je dirais que c'est comme si des parents donnaient des allumettes à un enfant de 3 ans et montreraient comment on le fait, comment on allume une allumette, et alors il quitterait la maison, et en revenant, il trouverait la maison brûlée, et il dirait, alors ça, ce n'était pas le bon usage des allumettes. Vous voulez dire que la science est dangereuse par essence? Oui, parce qu'elle nous rend plus... comment est-ce qu'on dit, nous rend une puissance, et la puissance est toujours dangereuse. Je ne dirais pas que la puissance est le mal, mais que c'est un danger. Alors il faut comprendre le danger, il faut le prévenir si on peut. Naturellement, il y a là une grande difficulté. C'est que le savant sait très bien qu'il ne sait pas quand ses découvertes seront dangereuses. Par exemple, Otto Hahn ne savait rien des dangers qui étaient initiés par sa découverte de la fission d'uranium. Soudainement, on le réalisait, mais en le voyant, c'était trop tard. C'était déjà connu à beaucoup de gens, et même si Hahn l'avait tenu comme secret, autres gens l'auraient découvert peut-être une année plus tard ou 2 années plus tard. Et pour ça, je dirais que ce progrès de science ne peut pas être arrêté. Et pour ça, il y a un grand danger, peut-être le plus grand danger pour l'influence du savant dans la politique, c'est une sorte de fatalisme, qu'il pense qu'on ne peut rien faire, que tout se passe comme progrès de science, et tout ce qui est possible doit être fait, parce que ça c'est la science, ça c'est la technologie, il faut faire ce qu'on peut faire. Et si on pense ça, je dirais qu'on est absolument sûr de détruire le monde. Les transcriptions de Farm Hall révéleront que Carl Friedrich von Weizsäcker était à l'origine d'un accord parmi les scientifiques selon lequel, après la guerre, il nierait avoir voulu développer l'arme atomique. Entre eux, il nommerait cette histoire, qu'il savait fausse, dit Lézard, la version. Bien que le document ait été rédigé par Heisenberg, l'un des hommes présents, Max von Lauer, écrira plus tard « Le meneur de toutes ces discussions était Weizsäcker. Je n'ai entendu aucune mention d'un point de vue éthique. » Carl Friedrich von Weizsäcker est décédé le 28 avril 2007. En octobre 2007, l'historien berlinois Rainer Kalsch fait paraître un ouvrage intitulé « La bombe d'Hitler ». Il révèle que des scientifiques ont bel et bien travaillé sous l'égide de la SS à la construction d'un réacteur et à l'élaboration d'une mini-bombe A testée par 2 fois, avec succès, en 1944 et en 1945, causant la mort de plusieurs centaines de prisonniers. En mars 1945, alors que Heinrich Himmler et Albert Speer comprennent que l'arme miracle de Hitler n'est pas assez abouti pour pouvoir changer le cours de la guerre, l'avance des Alliés met un terme à ses recherches. Cette saga radiophonique était réalisée par Jérôme Nussbaum, avec les comédiens Pierre Arbel, Thierry Joran, Mauro Bellucci, Valentin Rossier, Thierry Joran, Nicolas Rénuit, Oscar Sfaludi, ainsi que Jacques Mourican. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Dimanche prochain, nous vous donnons rendez-vous sur RTS 2 pour le documentaire « Le Troisième Reich n'aura pas la bombe » de Nicolas Jalot. Vous écoutez La Première et il est 14h.